Alors, je suis en compagnie de Miguel Doucet, qui signe la mise en scène de « Je m'appelle Marilyn » de Yannick Flo, qui est présenté ici à la salle intime du Théâtre Prospero jusqu'au 12 décembre. Bonsoir, Miguel. Bonsoir, Julie. Miguel, je voulais savoir pourquoi tu as choisi cette pièce-là, de produire cette pièce-là avec ta compagnie, le Théâtre des Globules Rouges. Pour quelle raison? Parce que Marilyn, je veux dire, c'est une femme dont on a parlé beaucoup, sinon peut-être la femme dont on a le plus parlé au monde. C'est une icône, en effet. Ça fait longtemps que je voulais parler de Marilyn Monroe, parce que pour moi, c'était le symbole féminin et d'une époque... Bon, j'adore le cinéma des années 50-60, j'adore le cinéma hollywoodien de cette période de l'âge d'or du cinéma. Je me considérais pas comme un fan de Marilyn nécessairement, mais je trouvais que Marilyn représentait cette Amérique qui avait été resplendissante, puis aujourd'hui qui était encore qui se revendiquait de Marilyn, mais qui était malade. Et quand on apprend que Marilyn, elle a vécu des périodes privées assez douloureuses, on fait comme « Ah, tout est beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas si beau que ça. » Je trouvais que c'était un beau parallèle. Alors ça, c'était un désir en moi de faire quelque chose avec Marilyn. OK. Et une des comédiennes m'est arrivée avec le texte de Yannick Flo qu'elle avait trouvé sur Internet. Alors, c'est un texte français. Est-ce que c'est joué, c'est la première fois que c'est joué ici à Montréal? Oui, au Québec, c'est la première fois. Le texte a été écrit en 2007. Présenté à Paris en 2008, énorme succès au théâtre là-bas à Paris. Et peu de temps après, c'est ça, on m'a présenté le texte et j'ai obtenu les droits pour pouvoir le présenter ici à Montréal. OK. Puis là, dans la pièce, comment je pourrais dire ça? La pièce s'ouvre, Marilyn est à l'asile. Il y a trois Marilyn aussi dans cette pièce-là. Oui. Est-ce que tu peux juste un peu nous briefer, là, mais pourquoi trois Marilyn? Oui, pourquoi trois Marilyn? Pourquoi trois Marilyn? Et ça, là, je peux me le faire demander souvent, et même le Prospero, quand j'ai déposé mon projet, ou les demandes de subvention, tout le monde est très intrigué. Trois interprètes, oh oui, là. Tout à fait. Puis c'est ça, là. C'est sans subvention que j'ai fait ce projet-là, et tout le monde me dit, mais pourquoi trois Marilyn? Alors, pourquoi trois Marilyn? Eh bien, il y a plusieurs textes quand on lit sur Marilyn Monroe qui dit qu'elle avait des facettes de sa personnalité. Et on dédouble, en fait, Norma Jean, qui est le vrai nom de Marilyn Monroe, et Marilyn Monroe, l'image, ce que les gens voyaient à l'écran. Et moi, je suis parti de ça pour représenter encore une troisième facette, donc Norma Jean, celle qui veut devenir une comédienne de théâtre, une femme respectée. Marilyn, l'icône, celle qu'on a vue au cinéma, que les gens trouvaient qu'elle était nunuche. Et la troisième, Marilyn, qui est malade, qui est à l'asile, qui est sur les pilules. Et ces trois Marilyn-là sont trois facettes et trois côtés de la personnalité de Marilyn Monroe. Et elle se recoupe dans la pièce. Moi, je pensais qu'on n'allait pas les voir interagir entre elles, mais oui, elles interagissent entre elles. Elles interagissent entre elles, et ça, c'est important pour moi parce qu'elles ne font qu'une. Et si je mettais les trois comédiennes ensemble, mettons les trois ensemble, je crois que j'obtiendrais une assez réplique de Marilyn Monroe qu'on a pu connaître. Parce que chacune a étudié les mouvements, les gestes. Les filles, les comédiennes, Pénélope Jolicoeur, Marie-Ève Tardy et Marie-Ève Allary ont fait un travail incroyable de recherche. Avec moi, on a regardé des films, on a visionné des documentaires, on a regardé les livres de photos de Marilyn. Il y a 10 millions de livres. Je pense que si il y a un pan de mur à la Bibliothèque nationale, je ne niaise pas, ici à Montréal, il y a vraiment de nombreux ouvrages sur elle. Et je pense qu'on les a vraiment tous regardés et on se les prêtait en disant, oh, ben ça c'est plus ma Marilyn, ça c'est la mienne. En fait, les filles ont fait un travail hallucinant pour créer. Oui, c'est ça, c'est trois Marilyn différentes, trois étapes de vie différentes, donc elles jouent pas tout à fait pareil. Exactement. Et puis, attends un peu, mon autre question, surprise, il y a des chorégraphies là-dedans, il y a du chant. C'était là à l'origine dans le texte? Oui, dans le texte, en fait, les chansons étaient indiquées. Mais, mais l'auteur ne m'a pas envoyé c'est quelles chansons qui jouaient. Ah, on pouvait deviner par... en connaissant un peu le répertoire de chansons que Marilyn a chantées, on pouvait deviner quelle chanson venait à tel moment. Sauf que il m'a pas dit quelle chanson. Et quand le texte a été présenté à Paris, il n'y a pas eu aucune chorégraphie et aucune chanson. Ah, l'actrice oui? était seule parce qu'à la base, c'est un monologue. Ça n'a pas été écrit pour trois comédiennes. Ça, c'est ma décision à moi. Mais le texte est un monologue. C'est un monologue. La fille était toute seule sur scène et elle était accompagnée d'une bande sonore jazzée. Et dans mon cas, ben, moi, j'ai pris le texte puis j'étais allé, ben, c'est marqué chanson. Bon, on va les faire chanter. Mais sauf que, en faisant des recherches, on peut pas prendre les tunes de Marilyn Monroe parce qu'il y a des droits d'auteur. Alors, dans notre cas, c'est des parodies. Ou, si on a la vraie chanson, c'est qu'elle est libre de droit, ou on fait un petit extrait pour pas avoir de problème au niveau des droits d'auteur. Alors, c'est vraiment fait en fonction, sans donner de punch, parce que mais, là, t'as vu le spectacle, mais il y a des chansons qui ont complètement changé, mais on reconnaît l'univers et oui, on reconnaît ces années-là aussi. C'est ça, exactement. C'est ça qui est intéressant. Alors, mon but avec les chansons, c'était qu'elles font avancer l'histoire et les chorégraphies sont de Marie Pelletier qui a fait un travail hallucinant parce que c'est elle la vraie fan de Marilyn. Elle la connaît au niveau des gestes, elle l'a étudié en tant que danseuse au niveau corporel. Elle a amené les filles à pouvoir être vraiment Marilyn et elles ont pris l'espace dans la chorégraphie. Il faut venir voir le spectacle. Miguel, j'ai une dernière question. Vas-y. Faire vite. Mais bon, t'as monté ta première mise en scène professionnelle l'année dernière, oui. Trois histoires de mère. Oui. C'était avec trois femmes. Oui. Puis là, tu nous reviens encore avec, j'allais dire, avec trois femmes, mais oui. C'est un peu ça aussi. C'est ça. Moi, je veux savoir, est-ce que l'univers féminin, tu le trouves plus riche? Pourquoi c'est ça qui t'attire en ce moment de monter? C'est un univers que je ne trouve pas assez exploité. La femme étant quelque chose de très fabuleux, c'est qu'au théâtre, il y a beaucoup de rôles masculins. On n'offre pas beaucoup de place aux femmes et j'ai comme dans mon mandat de vouloir trouver des textes intéressants pour des filles et faire travailler des comédiennes. Je peux me le permettre, je joue pas dedans. Si je me mettais en scène, c'est sûr que je serais peut-être à mettre un gars, un personnage masculin. Mais là, comme je suis metteur en scène et je cherche à trouver des textes nouveaux, une dramaturgie contemporaine ou qui vient de l'étranger, parce que Globe, c'est le monde, c'est ça, et la bulle, c'est éphémère du théâtre, et Rouge, c'est la passion. Et justement, la femme, ben, pour moi, c'est une passion. Ben, Miguel, on va rappeler que ta mise en scène de « Je m'appelle Marilyn » de Yannick Flo est présentée ici à la salle intime du Théâtre Prospero jusqu'au 12 décembre. Alors voilà, ben merci Miguel d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Julie. Merci.